mais sans tarder, merci aux organisateurs. C'est même trop d'honneur, parce que je ne suis pas du tout spécialiste ni de la religion, ni des classes sociales. Et donc, je ne suis sans doute pas la bonne personne pour tirer la conclusion de ce colloque. Mais qui peut être spécialiste de ces questions-là? C'est une question. Modestement, je vais donc me rattacher aux signes, aux formes et presque au langage qui a été utilisé pendant ces deux jours pour traiter de cette relation entre religion et classe sociale. Alors d'abord, je commence par l'affiche qui m'a tout de suite intrigué lorsque je l'ai vue pour la première fois. Parce que d'abord, classe sociale, il n'y avait aucun être humain dessus. Et ces cadres de bois en enfilade et immédiatement fait penser à la stratification, bien sûr. L'ocre rouge en haut et le noir en bas a quelque chose qui a à voir entre le haut et le bas, le upper et le lower. Et puis cette allée. Alors cette allée, c'est peut-être, puisqu'il y a une... C'est peut-être un signe qui renvoie à la gradation, puisqu'il y a une stratification, et donc évidemment à la mobilité. Et enfin, dernier élément symbolique, c'est cette lampe qui, au fond, illumine le décor. Alors on a beaucoup parlé du code religieux qui éclaire les stratégies. Et donc il y a quelque chose qui renvoie à la donation de sens. Et pour la petite histoire, j'ai demandé à Juliette Gallonier en entrant hier pour savoir non pas quelles étaient les raisons du choix de cette image, mais d'où elle provenait, et elle ne le savait pas vraiment. Et à vrai dire, elle m'a dit que peut-être on lui avait dit que c'était un temple élevé à la divinité du renard. Alors, c'est intéressant. À prendre en compte. Alors, ce que je vais faire là, c'est peut-être parler de la syntaxe comme autour de ce colloque qui, à vrai dire, a été peu conflictuel sur le fond des idées et des concepts employés. On n'a pas vu des tenants du danger sociologique se manifester contre le tableau de famille des champs et des habitus. Alors précisément, j'aurai quatre points de recomposition. Alors je suis vraiment dans le bris et collage. Ou le collage des débris, je ne sais pas. J'aurai quatre points. D'abord, un premier qui est off par rapport à tout ce qu'on a dit, mais qui est quand même qui renvoie au fait que le mot religion est au-dessus, toujours dans la sémiotique, au-dessus de classe sociale. On aurait pu mettre classe sociale et religion. Alors, il y a quelque chose qui renvoie à une espèce de léger oxymore entre le mot religion et le mot classe sociale. Et précisément, je pense qu'il y a quand même à rappeler un antagonisme sémantique de principe entre ces deux mots, du moins ici, puisqu'on est encore dans une société dite occidentale marquée par les monothéismes. Et l'histoire des monothéismes nous apprend bien sûr que cet antagonisme est foisonnant. Je peux évoquer simplement Paul aux Galates qui dit « Il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre, car vous êtes un en Jésus-Christ, à la fois être individuel et universel ». on est dans une démarcation du peuple élu, Hanivar, ou du Dar al-Islam. L'évangile est aussi le lieu de la subversion des rapports de classe. Les premiers seront les derniers, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Bref, ni capitalisme ni socialisme, je fais référence aux thèses analytiques sur le catholicisme comme idéologie intransigeante. D'ailleurs, je trouve que si on faisait de la lexicographie de notre colloque, le mot idéologie a disparu. On va y revenir. Difficulté de l'acculturation de l'Église à la sociologie, au raisonnement sociologique. Je passe sur cette histoire, mais elle est paradoxale, puisqu'on a eu pas mal de cartes présentées par les PowerPoint qui nous ont montré comment les classes sociales se disposaient à l'égard de la pratique ou de l'engagement religieux. Il faut savoir qu'en France, je le rappelle, les premières cartes nationales de classe sociale ont été faites par des prêtres sociologues qui ont eu d'ailleurs un très faible retour à l'intérieur de leur église, surtout lorsque, notamment missionnaires engagés, ils ont voulu aussi démontrer que le clergé a tendance à être autoritaire avec les humbles et humble avec les autorités. Et donc, évidemment, ce type de raisonnement est difficile à structurer dans une telle organisation. Voilà, donc ça c'était, on va dire, mon premier point, un peu off de ce qui a été dit au cours du colloque, mais que je voulais rappeler. Premier point, j'aurai trois parties à développer. La première, c'est la symbolique religieuse comme véhicule de différenciation sociale. Ça a été extrêmement présent du début à la fin. Et tout cela m'a rappelé un peu le grand passage que vous avez appris du lien qui associait le clan au totem grâce au mana dans les formes élémentaires de la vie religieuse, à la critique que Lévi-Strauss a formulée, des écarts à l'encontre du mana, des écarts différentiels entre ordre de l'appartenance et ordre de la référence. Et à cet égard, les premiers tableaux présentés par Heinrich Schäfer, au fond, étaient une mise en scène des écarts différentiels entre l'ordre de l'expérience, comme il le montrait, et ordre de l'interprétation. Alors, évidemment, le lien associant le clan au totem, il a été présent, ne serait-ce que dans la présentation du Gaoxiu Ril, je pense bien le prononcer, qui n'est pas seulement résistance à la domination, mais qui est, comme il a été montré, force de construction identitaire et de créativité populaire propre. Mais ce sont quand même les écarts différentiels qui se sont joués tout au cours de ces journées, sur deux modes. D'abord, à l'intérieur des organisations, ou ce que j'appellerais les écarts différentiels intra-groupaux, dès l'abord, lorsque l'on a abordé le passage de la seconde à la troisième génération de migrants maghrébins en France, on voit bien que l'usage du voile n'a pas le même sens, suivant les pratiques qu'il met en œuvre, de la préférence distinctive argumentée, y compris dans la langue de l'école républicaine, par des jeunes femmes scolarisées, qui est à mettre en regard d'une pratique à référence discursive plus faible, mais appuyée sur la tradition. Ce sont les équivalents jeunes femmes moins scolarisées, souvent, ou scolarisées au bled. Donc Julien Bouget nous a présenté cela. Je dois dire que quand je dis que je fais un tableau de famille, je vais présenter chacun, et tout le monde, j'espère, pourra s'y retrouver. Dans le capital de mobilité, alors dans le monde du mouvement Gulen, Fethullah Gulen, qui a été présenté cet après-midi, on retrouve ce même processus où le capital de mobilité transfrontière a été présenté à travers l'exemple de Mesut l'oblat turc. Ce capital est réinvesti dans le mouvement comme forme de légitimation et de production de normes. Ça, c'est Gabriela Andjé qui nous l'a présenté. Autre exemple, c'est la réaffiliation catholique comme rossement symbolique des officiers non héritiers dans l'armée française, Christelle Coton, qui n'a pas pu venir répondre aux questions. Donc là, on est dans un ordre d'écarts intragroupaux. Les écarts différentiels extragroupaux sont intéressants parce qu'ils vont émerger dans la tension ou le conflit qui n'est pas encore de classe, mais qui émerge malgré tout dans l'espace politique. Et je dois dire que la plupart des exemples qui nous ont été présentés étaient toujours un peu en marge de la mobilisation, ou en deçà. La référence à l'islam comme vecteur d'affirmation d'une élite gouvernante dans la cité à Cocody, présentée par Drissa Koné, nous montre précisément cette tension vers l'émargement dans l'espace public, de même que le mouvement de l'Emmanuel charismatique présenté par Samuel Dolbo laissait entendre qu'à Paris le Monial, il y avait une base pour des mouvements qui pouvaient être divers et émarger, tels que la Manif pour tous, dans l'espace politique. Mais toujours dans une espèce de tension relativement ambivalente qui s'est révélée lorsque l'on a parlé à propos du Secours catholique présenté par Bruna Ribeiro, des conflits entre lignes politiques éventuelles par la concurrence du CCFD, mais on n'a pas parlé d'Emmaüs, du mouvement Emmaüs, on aurait pu tout aussi bien le faire. Donc dans cet espace de limite, liminaire à la mobilisation, un certain nombre de remarques assez fines peuvent être notées. Je pense à propos de l'entre-soi, lorsque Lorraine Bozoul nous dit, à propos de son interviewé, « J'ai sorti mes bijoux à partir du moment où j'ai milité contre la misère », je trouve que là, c'est une forme du rapport entre soi et du soi à l'entre-soi relativement mobilisateur. Donc voilà pour cette symbolique religieuse qui est un véhicule au fond de la différenciation sociale, mais pas encore de la mobilisation telle que les exemples nous l'ont montré. Le troisième point qui est lié à cela, au fond, c'est à tourner autour de la plasticité symbolique du référent religieux par des mécanismes de transfert, de syncrétisme et d'inversion propre des valeurs. À propos de plasticité, Detelina Tocheva nous a bien montré cette espèce de coprésence entre une religion manifeste qui manifeste aussi les rapports de classe, le patron orthodoxe et ses femmes de ménage musulmanes dans l'hôtel, qui pouvait très bien aussi assister, elle ne nous l'a pas dit, mais peut-être que ça peut se faire, au culte non confessionnel du Corban, qui est totalement interclassiste et qui est une manière d'affirmer une religion par sa dénégation. Donc une forme de plasticité intéressante. Forme de transfert également, comment le mouvement Lubavitch, qui est à base populaire, comme cela nous a été présenté par Lucine et Edelstein, peut se transformer à travers la conquête des beaux quartiers. Et là, il y a une espèce d'ouverture du cadre doctrinal ou normatif, puisque le hard du acide, le pieux, peut se présenter comme soft. Et ça fait du soft ultra, ce qui est un nouvel oxymore, mais qui va sans doute plaire à la spécialiste Véronique Alglas des bricolages ou des syncrétismes. Et le mouvement Menorah qu'elle nous a présenté en Irlande du Nord, elle nous a bien montré comment ces collages de débris ou de bris religieux n'est pas hors sol. Il est indexé à des cadres sociaux qu'elle nous a, sur lesquels elle a beaucoup insisté. Et je reviendrai un peu plus dans mon dernier point sur cette question méthodologique. De même, dans le même ordre de syncrétisme, le réagencement de soi à travers le récit des guérisons a trouvé son appui dans le combattant de Saint-Michel chez Géraldine Mossière. Autre forme, c'est l'inversion des valeurs. Alors là, c'était très intéressant parce qu'elle est, c'est une inversion durcie ou cristallisée par le temps, puisque on a bien vu dans le cas de Mazamet, que les patrons protestants sont de gauche et que les ouvriers catholiques sont de droite. Et cette figure de l'inversion dans un contexte national-républicain et de lutte entre les deux France, enfin de passé de lutte entre les deux France, s'est transformée en vulgate patrimoniale. Tout cela présenté par Stéphanie Maffre. Autre élément, c'est le réinvestissement bourgeois de la piété populaire dans un schéma émotionnel revu. Alors c'est un peu ce qui a été présenté par à propos de l'Emmanuel, mais que a repris, je fais référence au début de dialogue entre Elisabeth Clavery qui disait « La bourgeoisie n'a pas besoin de classe, mais a besoin de peuple » et d'une certaine manière, Samuel Dolbeau lui répondant « C'est un peuple qui, malgré tout, est hyper formaté en sauveur universel. » Alors, dernier point, c'est tout ce que j'ai énoncé sur les transferts, les écarts différentiels, enfin, pose comme question aux sciences sociales. Alors d'abord, je disais que le colloque était peu conflictuel. On a eu une abondance de champs, d'habitudes, de dispositions, de stratégies, et sans doute un peu moins de processus intériorisés, d'arbitrage entre valeurs et intérêts, vu sous un angle plus cognitif ou de celui des bonnes raisons pour donner une indication. Mais Julien Naudet, qui était discutant, a quand même soulevé cette question de façon indirecte sur la spécificité de la ressource religieuse dans les processus de légitimation développés. Et cette spécificité, implicitement ou même explicitement, il l'a renvoyée à des processus qui peuvent faire appel à la psychosociologie. Alors, le chant, évidemment, je ne vais pas y venir sur le fait qu'il y a un risque de schéma paralysant dans l'usage de cette panoplie notionnelle. La configuration Norbert Elias peut mobiliser la notion de chant, ou la dynamiser, ou la fluidifier. J'en viens plutôt à la valeur ajoutée du terme bricolage. Et je dois dire que c'est une question qui était posée par, au fond, par Juliette Gallonier à Véronique Alglas, laquelle a répondu qu'il pouvait et il devait être fait une généalogie du mot, de l'usage des théories du bricolage, du paradigme, allant du paradigme de la résistance et de la subversion, à cette espèce de, comme elle disait, de cannibalisme symbolique hors sol. Et j'avoue que, aussi bien dans la lecture que dans les discours autour de ce type de notion qui cristallise à un moment donné aussi bien la théorie que le terrain, parfois on a tendance à regarder du côté des oulipiens. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement littéraire qui parfois s'obligeait à ne plus prononcer un mot et à tenter de le remplacer par d'autres mots. Alors je pense qu'il y a deux voies là, faire la généalogie et peut-être s'amuser à côté de la généalogie à faire cet exercice d'oublier le mot. Mais en revanche, malgré tout, à l'actif des sciences sociales, on a pu voir des expériences, des preuves de terrain qui renversent les idées reçues. C'est un schéma classique, mais ça fait quand même plaisir de voir que, avec Edmond Balla et Langa, le pantocatisme au Cameroun n'est pas qu'une référence de survie du pauvre migrant enfermé dans l'ordre traditionnel. Il peut aussi, et c'est le terrain qui parle, il peut aussi servir les classes moyennes en ascension. De même, Thierry Maire n'est pas allé jusqu'au bout, parce que j'avais lu votre texte et je trouvais qu'il allait jusqu'aux modulations de la théologie de la prospérité suivant les cibles, alors pour prendre le langage du marketing, suivant les cibles au Guatemala. Et votre présentation a été remarquable sur le plan de la déconstruction théologique, mais dans la pratique, je peux dire que vous êtes allé, en tout cas dans le texte que j'ai lu, encore plus loin. Alors évidemment, le schéma affinité élective, weberien, puritanisme, capitalisme a été dans le même sens par les preuves de terrain, d'une certaine manière déconstruit par le clivage générationnel dans les parcours post-migratoires. Hicham Benaïssa nous a bien montré comment les entrepreneurs de première génération allaient plutôt vers des activités et des références communautaires, tandis que de la deuxième génération, il y avait quelque chose d'un islam plus universel. Tout ça grâce à l'enquête fine de terrain. Enfin, dernier point que je voudrais soulever, et qui m'a un peu intrigué, c'est comment se fait-il que ce colloque n'est pas, sur un thème aussi lourd que celui des religions et classes sociales, n'ait pas fait une petite histoire de... Et c'est Yannick Fer, d'ailleurs, je crois, qui en introduction a évoqué cette question, n'a pas fait une petite histoire des colloques précédents de la FSR sur la manière dont cela a été traité. Car j'ai été très, très frappé par le fait qu'à propos de classe, enfin, on en est toujours dans une espèce de référence plus ou moins affirmée à un monde à trois dimensions. Quoi. Lloyd Varner est toujours bien vivant avec ses upper, middle et lower class. Et chaque fois qu'on parle des upper middle ou des lower middle, on est dans ce schéma. Et du coup, on lui applique, la bourgeoisie devient plus catholique qu'hier, semble-t-il. Les classes moyennes sont dans la tribulation spirituelle permanente. Et le populaire navigue entre l'islam et le pentecôtisme, mais c'est pas vrai, puisque le terrain nous montre que c'est bien autre chose, autant pour l'islam que pour le pentecôtisme ou l'évangélisme, c'est bien d'autre chose dont il s'agit. Mais bon, comment était présenté ce rapport entre classes sociales dans les années 50, par exemple, hein, ou comment dans les années 70, où on se gargarisait d'idéologie et de rapport de classe dans l'explication sociale, la chose religieuse a été amenée. Donc je pense que s'il y a une publication à faire de ce colloque, il serait nécessaire de faire cette petite démarche, ne serait-ce que pour se rappeler que dans les années 50, la classe ouvrière était un objet, pas seulement pour la sociologie des religions, puisque la sociologie des religions est née du divorce fatal entre classe ouvrière et christianisme, d'une certaine manière. Gabriel Lebras posait comme question principielle dans les colloques comment expliquer le grand chassé croisé qui va du prolétariat fervent de l'Ancien Régime, qui est devenu classe menaçante pour l'ordre établi, et dans l'inverse, dans le même chiasme, de la bourgeoisie libérale anticléricale, qui est devenue cette gardienne de la morale et de l'ordre établi. Et donc, tout un débat a tourné, je passe sur la réalité historique ou pas de la déchristianisation, qui n'est pas nécessairement ouvrière. Dans les années 70, peut-être, l'effet de la petite bourgeoisie intellectuelle dans les cadres ecclésiaux a, pour une part, inventé la religion populaire, invention de nouveaux liturges d'ailleurs socioculturels qui ont plus ou moins émargé à Vatican II, qui stigmatisaient d'une certaine manière l'ordre traditionnel, comme disait notre collègue sur le Cameroun. Donc voilà, ce ne sont que quelques éléments un peu décousus, sans doute, mais qui mériteraient d'être, collés avec un peu plus de colle-forte que ce que je viens de vous dire. Voilà.